Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc le cours numéro 12 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab de l'imam Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi, Sharafuddin, dans son livre Sharh Manzumat al-Adab, et le Sharh de Sheikh al-Fawzan de ce livre, Hafizahullah. On a terminé le chapitre au sujet de la préservation du, ou la protection ou la préservation du corps, sawm al-jawarih, donc la préservation des membres. Maintenant, on a commencé au dernier cours le nouveau chapitre, le nouveau point, tahrim al-riba wa al-namima, l'interdiction de al-riba, c'est-à-dire le fait de parler dans le dos, et l'interdiction de an-namima, c'est-à-dire de colporter les propos des gens pour faire de la discorde, pour faire de la fitna, de rapporter aux uns et aux autres qu'est-ce que les autres ont dit sur les uns et sur les autres, et ainsi de suite. On a expliqué ça au dernier cours. Aujourd'hui, on explique d'autres points qui sont reliés à ce sujet. Donc, Cheikh al-Mardawi, il dit « وَفُحْشٌ وَمَكْرٌ وَالْبَذَاءُ وَخَدِيعَةٌ وَفُحْشٌ وَمَكْرٌ وَالْبَذَاءُ وَخَدِيعَةٌ وَسُخْرِيَةٌ وَالْهُزْءُ وَالْكِذْبَ قَيِّدِي » Naam. Donc, tous ces termes-là sont des termes qui ont différentes significations, même si certains, peut-être qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais on va clarifier chaque point. Comme al-fuhsh, qu'est-ce que ça veut dire? Al-makr, qu'est-ce que ça veut dire? Al-badha, qu'est-ce que ça signifie? Al-khadi'a, al-sukhriya, qu'est-ce que c'est? Al-huz, et al-kadhib. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va clarifier, Inch'Allah. Donc, pour commencer, Cheikh Al-Fawzan, il dit, وَفُحْشٌ الْفُحْشُ هُوَ الْقُبْحُ فَالْمُسْلِمُ لَا يَكُونُ فَاحِشًا مُتَفَحِشًا قَبِيحًا فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ بَلْ يَكُونُ حُسْنُ السِّيرَةِ وَحُسْنُ الْأَخْلَاقِ والبذي هو الذي يؤذي الناس بلسانه أو بأفعاله ومكر يعني ومكر يعني المكر هو خديعة الناس بأن تظهر لهم خلاف ما تبطن وتظهر لهم بأنك تحبهم وأنك ناصح لهم وأنك صادق معهم وأنت بخلاف ذلك من أجل أن توقع الضرر بهم فالمكر هو إيصال الأذى إلى الغير بطريق خفي لا يشعر به وهذا لا يجوز. Donc ça, on va expliquer les termes que le cheikh il a mentionné maintenant. Donc premièrement, al-fuhsh, il explique que al-fuhsh, c'est comme de la même origine ou l'origine du terme fahisha, hein? Al-fuhsh ou al-fahisha, c'est souvent traduit dans les traductions du Coran comme étant la turpitude, malgré que c'est pas un nom qui est ou un mot qui est souvent employé dans le langage courant d'aujourd'hui. Le mot turpitude, c'est un mot que, en général, ceux qui le connaissent, c'est en grande partie ceux qui lisent les traductions du Coran. Ils savent que le mot fahisha signifie turpitude, mais sinon la turpitude, c'est la débauche, l'obscénité, tout ce qui est grossier, qui est laid. Hein, c'est ça, en fait, al-fahisha. C'est un péché qui est non seulement un péché qui est grave, mais qui est laid, hein, extrêmement repoussant ou dégoûtant. Quelque chose qui est comme la débauche, l'immoralité, la corruption, la perversité, et ainsi de suite. Donc c'est ça, al-fuhsh. Et le cheikh, il explique donc que c'est al-qubh. Al-qubh, en arabe, c'est la laideur, qu'est-ce qui est laid. Et donc le musulman, il ne doit pas être débauché, il ne doit pas être pervers, il ne doit pas être yani, dévergondé hein, ou dépravé dans sa façon de parler, dans son comportement, dans sa conduite, dans sa façon d'être. Il doit être une personne qui a une belle façon d'être, c'est-à-dire il doit avoir un bon comportement. Et al-badhi, hein, c'est celui qui fait du tort aux gens par sa langue ou par ses actions. Donc al-badhi, c'est une personne qui est grossière, une personne qui est grossière, vulgaire, hein, la vulgarité, la grossièreté, et ainsi de suite. Donc le musulman, il ne doit pas être grossier, il ne doit pas être vulgaire, hein, même si pour certaines personnes qui s'imaginent que ça, c'est des qualités pour eux d'être comme ça, parce qu'ils s'imaginent que le fait d'être grossier ou d'être vulgaire, c'est un signe de force pour certains. Et même quand quelqu'un, par exemple, même chez les koufars aussi, beaucoup sont comme ça, quand ils veulent montrer qu'ils sont fâchés ou des choses comme ça, ils prononcent des obscénités ou des vulgarités, des grossièretés, puis ils pensent que ça leur donne plus de force ou que ça les fait paraître plus forts, alors qu'au contraire, en réalité, c'est quelque chose qui les rabaisse en réalité. Donc le musulman, il ne doit pas être comme ça. Wa makrun. Donc makrun, le cheikh, il explique que al-makr, c'est le fait de tromper les gens hein, en leur montrant le contraire de ce qu'on cache à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire que tu leur montres que tu les aimes et que tu es sincère envers eux, alors que, yani, en réalité, c'est le contraire. Hein, tu les aimes pas et tu leur veux du mal. Mais tu caches ce que tu leur yani, ce que tu ressens envers eux pour leur faire du tort en réalité. Hein. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle yani, yani al-makr en arabe, c'est-à-dire la ruse, le fait de ruser avec les gens ou de comploter ou de faire des ruses contre eux. Et c'est dans le but de leur faire du tort. Hein, dans le but de faire du tort aux autres, mais d'une manière subtile, d'une manière qui est cachée et que les gens ne vont pas s'en apercevoir. Et ça, c'est clair que c'est interdit hein, d'agir comme ça. C'est pas permis pour le musulman. Ensuite, le cheikh il dit wa khadi'atun bi an takhda' an-nas fi hein, fi al-mu'amalati fi aqwalika wa af'alik. وتظهر لهم خلاف ما تبطن فهذه صورة المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإيمان وإبطان الكفر ولكن الله جل وعلا لا يخدع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم من باب الجزاء والعقوبة فهذا من الله عدل لأنه أوقعه بمن يستحقه مثل المكر ويمكرون ويمكر الله والمكر من الله محمود لأنه عقوبة وجزاء يوقعه الله بمن يستحقه فهو منه عدل خلاف مكر المخلوق وخديعة المخلوق لا تجوز لأنهما بغير حق. Donc le cheikh il explique que yani, al-khadi'a, c'est le fait de, yani, comment je pourrais dire, trahir, pas trahir, mais c'est une forme de trahison, de traîtrise, hein, de trahir les gens dans le comportement, dans l'attitude, dans tes paroles, dans tes actions, de leur montrer le contraire de ce que tu caches en toi-même. Et c'est une caractéristique des hypocrites, en réalité, le munafiqin. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9, dans Surat al-Baqarah, ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Et le cheikh, il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il cherche à tromper Allah et ceux qui ont cru, c'est-à-dire en laissant paraître la foi et en cachant la mécréance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être trompé. Hein? Il ne peut pas être trompé parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Donc ils ne peuvent pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 142 dans Surat An-Nisa que les munafiqin, les hypocrites, ils cherchent à tromper Allah, mais alors qu'en réalité c'est Allah qui les trompe. Hein? C'est Allah qui les trompe. Pourquoi? Parce que c'est une punition que Allah leur donne du fait qu'ils ont essayé de le tromper. Donc ça veut dire que de la part d'Allah, lorsqu'il trompe ces gens-là, c'est une justice de sa part. Parce qu'il fait tomber cette tromperie ou cette ruse uniquement contre ceux qui le méritent. De la même chose que le complot ou la ruse, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ruse contre quelqu'un ou contre des gens, comme dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 30, ce qui signifie « et il complote et Allah complote ». C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala complote contre ceux qui cherchent à comploter. Hein, parmi les kuffars et les mushrikin qui cherchent à comploter contre Allah, contre sa religion et contre les croyants, hein, contre les messagers et les prophètes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il complote et il ruse contre eux en faisant en sorte que leur propre ruse se retourne contre eux. Hein. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ruse et complote, eh bien c'est louable. De sa part, c'est une chose qui est louable. Parce qu'il fait tomber cette ruse sur ceux qui le méritent comme punition pour justement de leur part, comme étant donné qu'ils ont essayé d'être rusés avec Allah et de ruser contre les croyants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice, il fait tomber sur eux ce qu'ils méritent comme ruse et comme complot. Tandis que de la part des créatures, hein, ça c'est de l'injustice et c'est quelque chose qui est blâmable hein, lorsque les créatures font ça à d'autres, puisque yani, c'est yani, des choses qui font partie de l'hypocrisie hein, et c'est injuste hein, de leur part de le faire. Ensuite, le cheikh il dit wa sukhriya, yani. يعني يزي الذي يسخر بالناس بمعنى ينتقص الناس يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن وقال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم السخرية لا تجوز بالمسلمين بل المسلم له مكانة وحرمة عند الله وعند المؤمنين فلا يجوز السخرية به والاستهزاء به لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ربما يكون هذا الذي تسخر منه هو خير منك عند الله سبحانه وتعالى فلا تسخر من الناس مهما رأيت فيهم من الفقر ومن المظاهر غير الجيدة في الملابس أو في المظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فهو ولي من أولياء الله لو حلف على الله لأبره لمكانته عند الله ومع أنه مدفوع بالأبواب وإن شفع لا يشفع وإن غاب لا يفقد ولكنه عند الله عظيم فلا تسخر من المؤمن مهما كان فإنه كريم عند الله سبحانه وتعالى له مكانة وله حرمة وله منزلة عند الله جل وعلا فلا تتنقص وتسخر منه. Donc ici, le cheikh, il explique que parmi les termes qui sont mentionnés dans le vers qu'on a lu, وَسُخْرِيَةٌ وَالْهُزْءُ وَالْكِذْبُ قَيِّدِ وَسُخْرِيَة, c'est la moquerie, hein, de se moquer des gens, dans le sens que tu cherches à les dénigrer en te moquant d'eux. Que ce soit par, hein, des fois c'est avec des sobriquets, ou bien parfois c'est par des surnoms pour les dénigrer, ou bien des fois c'est le fait de, yani, d'utiliser des, hein, yani, des genres de sarcasme, hein, pour se moquer des gens, ou bien de dire des choses au deuxième degré, ou bien pour, yani, tu dis des choses mais tu penses le contraire de ce que tu dis, alors tu dis ça dans le but de faire rire les gens ou pour dénigrer quelqu'un. Tout ça c'est blâmable. Et ici le cheikh il mentionne le verset 11 dans sourate Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh vous qui avez cru, qu'un groupe d'entre vous ne se moque pas d'un autre groupe, il se peut que ceux-ci soient meilleurs qu'eux, hein, c'est-à-dire ceux dont on s'est moqué soient meilleurs que ceux qui se moquent, de même que les femmes, hein, ne se moquent pas d'autres femmes, car il se peut que celles-ci, c'est-à-dire celles qui sont moquées, hein, soient meilleures que celles qui se moquent d'elles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il interdit de se moquer des croyants, et il dit à propos de ce genre de moquerie, par exemple le verset 79 dans sourate At-Tawbah, il y a toujours, yani, cette catégorie de gens qui essaient de se montrer intelligent ou plus intelligent que les autres, et puis qui pensent que en dénigrant les autres ça veut dire qu'ils sont plus intelligents qu'eux. Hein, et ils se permettent de les dénigrer comme ça parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non. Vous pensez que vous êtes meilleurs qu'eux, donc vous vous moquez d'eux alors qu'en réalité, eux sont probablement, hein, possiblement meilleurs que vous. Donc ne vous moquez pas d'eux. Hein. Et le verset est un exemple aussi parmi les exemples que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat At-Tawbah, qui fait partie justement des exemples des munafiqines, de leur comportement envers d'autres musulmans. Hein? Tu vois, des musulmans qui se moquent d'autres musulmans. Et des fois, c'est pour des raisons qui sont yani, des choses graves, parce que ici, on voit l'exemple que Allah a mentionné dans le verset. Il dit: ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux, hein, qu'Allah les raille, hein, qu'Allah se moque d'eux, et ils auront un châtiment douloureux. Ça veut dire quoi? Et le verset ici, parce que dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a démasqué beaucoup des comportements des hypocrites, et parmi les exemples qu'il a mentionnés, des gens qui se moquaient de certains parmi les croyants qui donnaient en sadaqa, hein, ils donnent des aumônes, hein, pour Allah, mais quand c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent, ils se mettent à le critiquer en disant: oh regardez, lui il donne beaucoup d'argent, ça c'est un hypocrite, il est pas sincère, il fait ça juste pour se montrer, hein. Donc, pour se moquer de la personne, il l'attaque, hein, il critique et il l'accuse dans son intention. Et lorsque c'est quelqu'un qui vient avec une sadaqa, mais que sa sadaqa elle est vraiment petite, hein, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il donne juste un peu, alors eux, ils se moquent en voulant dire: oh, regarde lui, il vient avec ses miettes, hein, il n'a même pas beaucoup d'argent, hein, il vient, il donne juste quelques pièces. Hein, un peu d'argent, donc on n'en a pas besoin de ça, pourquoi il vient donner ça, hein? Et même à notre époque, hein, Allah musta'an, il y a des gens comme ça qui dénigrent les musulmans, et j'ai entendu un d'entre eux justement dans une vidéo qu'il a fait sur internet, et qui critique que quelqu'un donne des pièces, hein, ou donne des pièces en sadaqa dans la mosquée, hein. Il dit: mais on n'en veut pas de pièces. Hein? en voulant dire, nous, on veut que vous donniez juste des gros billets. Hein? Si vous donnez des pièces, là, on n'en veut pas. Yani, subhanallah, si quelqu'un, il donne qu'est-ce qu'il peut, hein? Alors comment ça, toi, tu viens pour le dénigrer? Et peut-être qu'il donne très peu, hein? Il donne peu en argent, mais qu'avec son intention, si c'est sincère pour Allah, cette petite sadaqa qu'il a donnée au jour de la résurrection, ça se retrouve comme une montagne, hein, de hasanat. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'exemple dans Sourate Al-Baqarah de la sadaqa qui est donnée, hein, il l'a comparée à des épis, hein, qui poussent et qui donnent beaucoup de grains. Et chaque grain donne encore des épis qui se multiplient, et ainsi de suite, pour expliquer qu'en réalité, les récompenses de l'action de quelqu'un sont exponentielles. Hein? Les récompenses que quelqu'un peut faire dans une bonne action qu'il fait sont exponentielles, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait augmenter et il les multiplie en bienfaits. Hein? C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cet exemple-là pour encourager les gens à abandonner le riba, hein, en leur faisant comprendre que si tu veux vraiment faire croître ton argent et faire augmenter ton argent, eh bien, donne en sadaqa et fais des sadaqat, Allah il va faire multiplier cet argent-là pour toi. C'est mieux que le riba. Tandis que si tu essaies de faire croître ton argent par du riba, eh bien là, ton argent, au contraire, au lieu de l'augmenter, yani, ça va t'augmenter yani, en punition et en châtiment et en mal. Hein? C'est-à-dire que quand tu donnes en sadaqa, c'est des hasanats que tu récoltes en réalité. Donc, même si tu dis, oh, j'ai donné de l'argent, mon argent, elle diminue. En réalité, cet argent que tu as donné, Allah, il te la redonne en multiples. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma naqasa sadaqatun min mal. C'est-à-dire que une sadaqa, elle ne fait pas baisser, hein, l'argent. Donc toi, tu donnes en sadaqa, tu penses que ça fait baisser ton argent. En réalité, non, c'est faux. Hein? Ça le fait augmenter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il met justement la baraka, hein, dans ton argent, et il te le remplace, hein, ces biens-là, par quelque chose de meilleur encore. D'accord? Il t'en donne plus que qu'est-ce que tu donnes. Donc c'est pour cette raison-là que on est encouragé de faire des sadaqat. Et donc de se moquer des gens parce que ils donnent peu, alors que c'est ce qu'ils sont capables de donner, ça c'est pas correct, et c'est pas permis. Et c'est ce que le cheikh il explique ici. Il dit la moquerie, c'est pas permis contre les musulmans. Et il dit même que il faut comprendre que le musulman, peu importe sa situation économique ou yani, son apparence ou des choses comme ça, yani, il a son respect, il a son statut, il a son degré auprès d'Allah. Et il a droit à son respect, hein, parce que Allah, hein, l'a honoré par la foi et par conséquent, il n'est pas permis de se moquer de lui. Hein? Et al-istihza, hein, c'est aussi interdit. Al-istihza, c'est la même chose que al-sukhriya, c'est la moquerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, donc, qu'un groupe d'entre vous ne se moque pas d'un autre. Peut-être que ceux-ci sont meilleurs. Et il explique le cheikh en disant que peut-être que celui dont tu te moques est meilleur que toi auprès d'Allah. Et donc, il ne faut pas que tu te moques des gens, peu importe qu'est-ce que tu peux voir chez eux comme pauvreté ou comme apparence qui n'est pas tellement belle ou plaisante dans les vêtements qu'ils portent. Hein? Tu les vois comme ça, puis leurs vêtements ne sont pas beaux, ne sont pas neufs, ne sont pas attrayants. Hein? Ce ne sont pas des vêtements qui coûtent cher ou qui sont luxueux. Donc toi tu dis, ah, ces gens-là, c'est des minables, c'est des gens qui sont des pauvres, Hein, tu les dénigres parce qu'ils sont comme ça. Eh bien, le cheikh, il explique que ce n'est pas ça la référence. Hein, ce n'est pas ça qui doit être pris en considération par rapport à l'apparence. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, il dit que un homme peut être parfois, hein, avoir une apparence très, très pauvre, hein, avoir les cheveux qui ne sont pas peignés et être plein de poussière, hein, ses vêtements sont sales ou empoussiérés, et s'il se présente à la porte de quelqu'un, il sera repoussé, hein, il sera repoussé parce que hein, les gens ne le connaissent pas, il n'est pas quelqu'un de respect, d'apparence noble ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent, des choses comme ça. Donc quand il vient et se présente à la porte, on le repousse. Mais il dit, mais si cette personne jure hein, que Allah va faire quelque chose, eh bien Allah va faire en sorte que ce qu'il a juré se produise. Hein? Pourquoi? Parce que cette personne fait partie des serviteurs rapprochés d'Allah. Donc, qu'est-ce qui détermine que quelqu'un est un serviteur d'Allah? Ce n'est pas son apparence physique ou sa richesse ou ses biens ou la quantité d'argent qu'il a dans son compte de banque ou la belle voiture qu'il roule ou bien la montre luxueuse qu'il met dans son poignet ou bien la beauté de son visage. Ou bien, toutes ces choses-là. Ça, tout ça, là, ça ne veut rien dire. Et ce n'est pas ça qui détermine que quelqu'un est plus près d'Allah que quelqu'un d'autre. Plutôt, c'est la piété, at-taqwa. C'est ça qui fait la différence. Et donc, quelqu'un peut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ici, il dit, quelqu'un peut être plein de poussière dans ses vêtements et il se présente à la porte des gens, on le repousse. Quand il vient pour demander une intercession, son intercession n'est pas acceptée. C'est-à-dire, s'il demande à quelqu'un pour demander quelque chose pour quelqu'un d'autre, hein, on ne va pas lui accorder cette intercession-là. Si, par exemple, il est absent, hein, personne ne va se demander où il est celui-là, hein, où est-ce qu'il est, comment ça se fait, on ne le voit plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui attire l'attention sur lui. C'est pas quelqu'un qui est célèbre ou populaire, hein? C'est quelqu'un de modeste, de simple, qui passe inaperçu, hein? Il est silencieux, il est calme, il fait ses adorations, hein? Et personne ne le remarque, mais c'est un wali parmi les awliya d'Allah, un homme pieux et rapproché d'Allah, que Allah aime. Il dit, par exemple, s'il est absent, on le remarque pas. Mais pour Allah, il est très grand, cet homme-là. Il est très important. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grandeur d'une personne ou l'importance d'une personne pour Allah ne détermine pas, hein, ou bien plutôt le contraire, c'est-à-dire le fait que quelqu'un soit respecté ou considéré comme grand par les hommes ne veut pas dire que cette personne-là est nécessairement grande pour Allah. Hein? Et vice-versa aussi. Et ça, c'est en même temps aussi, ça explique, hein? Parce qu'aujourd'hui, j'avais tweeté un message par rapport à ça, je disais comme que c'est possible que pour certaines personnes, hein, il y a beaucoup de gens qui pensent que ils ont réussi dans la vie et qu'ils ont un succès dans cette dunya. Et quand ils réussissent à obtenir certaines positions ou d'avoir un poste ou d'avoir hein, certains avancements dans la dunya, ils s'imaginent que ça c'est une réussite pour eux. Parce que dans la société des kuffars, souvent c'est comme ça. Hein, ces gens-là, ils pensent que ça c'est une promotion, que c'est un avancement, que c'est un signe de succès. Hein, la personne, elle s'élève. Sauf que dans l'au-delà, à cause de cette position-là, c'est possible qu'il va être puni et châtié au jour de la résurrection. Et dans le cas contraire également, pour certaines personnes, si justement ils ne sont pas populaires, ils ne sont pas célèbres, ils ne sont pas bien vus dans les médias ou dans les réseaux sociaux, que la personne n'est pas renommée, il s'imagine que est-ce que c'est un échec, que c'est une personne qui n'a pas réussi, c'est une personne qui est yani. Et par conséquent, ils vont dire par exemple, ah, cette personne-là, elle a gâché sa vie ou elle n'a pas réussi. Alors que dans l'au-delà, cette personne-là sera peut-être parmi les plus élevés dans le paradis d'Allah, dans sa récompense. Donc, qu'est-ce qui détermine la valeur d'une personne réellement et son succès réel? C'est pas par rapport à qu'est-ce qu'il peut obtenir dans ce bas monde comme richesse ou comme bien ou comme plaisir ou des choses de ce genre. Non. Qu'est-ce qui détermine en fait sa valeur, c'est sa foi, sa piété. Et comment il s'accroche à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Parce que je vois, par exemple, que beaucoup de musulmans, par exemple, qui... Ils arrivent parfois à chercher à se faire reconnaître chez les koufars et à obtenir des koufars l'approbation, le respect, l'écoute. Et en grande partie du temps, lorsque les koufars vont te donner un crédit, ou bien lorsqu'ils vont, quand je dis un crédit, c'est-à-dire ils vont te reconnaître ta valeur, ta juste valeur, et te donner du respect, en grande partie du temps, c'est souvent parce que tu vas faire quelque chose qui leur fait plaisir, et souvent c'est dans des choses qui sont contraires à la foi, contraires à la religion d'Allah. Hein. Puis si tu vas défendre ta foi et ta religion, ils vont te dénigrer. Hein? Et aujourd'hui, subhanallah, j'étais choqué d'entendre en ce moment certains. Parce qu'il y a le procès de Charlie Hebdo en ce moment. Donc, ils en profitent, les ennemis de l'islam, justement, pour essayer de parler contre l'islam et les musulmans à cause de cet attentat qui a eu lieu. Hein? Parce que c'est quelque chose qui a eu un impact vraiment négatif sur les musulmans. Et ça, bien entendu, ce genre d'acte qui a été posé par ces gens-là qui prétendent agir au nom de la religion, c'est clair que ce qu'ils font, c'est contraire à l'islam. Et ça, on l'a expliqué, je l'avais mentionné à l'époque, lorsque ça s'était produit. Mais tout ça pour dire que maintenant, ils disent, par exemple, comme on entend certains journalistes qui disent dans les médias, que lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, il faut qu'il soit signalé, subhanallah, à la police. Comme si le fait de se convertir à l'islam, c'était une raison pour que quelqu'un soit signalé à la police. Comme s'il y avait le fait de devenir musulman, c'est un crime, ou c'est un danger pour la société. Et ça, c'est grave. Mais qu'est-ce qui est triste en réalité, c'est pas que cette journaliste-là ait dit une chose comme ça. Parce que ça, c'est vrai que c'est triste. Mais pour dire la vérité, c'est que la réalité, c'est que ça se fait déjà. C'est-à-dire, elle dit ça comme si c'est quelque chose qui devrait être fait. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose qui est déjà fait depuis longtemps. Parce que moi, j'ai connu des frères, Yanni, en France en particulier, qui, aussitôt qu'ils se convertissaient ou que la police ou les services de renseignement savaient qu'ils se sont convertis à l'islam, eh bien, ils étaient tout de suite visités par les services de renseignement. Hein? Ou bien on venait les voir pour leur poser des questions. Ou bien quand ils étaient convoqués, ils trouvaient que leur photo était affichée dans leur dossier et tout. Donc, c'est pour dire que le fait même de se convertir à l'islam, pour ces gens-là, c'est déjà considéré comme quelque chose qui est pas normal, quelque chose qui est un signe que tu es une personne qui devient dangereuse. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est aberrant, franchement. Et souvent, ces gens-là, vous les entendez maintenant, c'est ça l'excuse qu'on entend le plus souvent de la part des gens qui sont en train de mener un combat contre les musulmans et contre l'islam, sous prétexte qu'il y a eu des attentats, justement, qui ont été faits de la part de certains égarés extrémistes parmi les musulmans. Donc, ils disent, est-ce que vous avez vu, par exemple, chez des chrétiens ou chez des juifs, des gens faire des attentats? Eh bien, la réalité, c'est que il y a plein de meurtres qui sont faits, hein, tous les jours dans les sociétés européennes, dans les sociétés américaines ou canadiennes. Il y a des meurtres qui se font régulièrement. Et ces meurtres-là, hein, si tu regardes par exemple dans les répertoires que l'État fait, par exemple, qui chaque année, ils enregistrent le nombre d'homicides qui a lieu sur le territoire de leur pays. Et regarde le nombre de ces homicides-là. Hein, tu vas voir que la grande majorité de ces homicides-là ne sont pas faits par des musulmans. Hein. Et peut-être que s'il y a eu, par exemple, c'est vrai, des victimes de plusieurs attentats qui ont été faits par certains égarés parmi des groupes extrémistes. Hein, qui se disent appartenir à l'islam. C'est vrai qu'il y en a eu des victimes, mais il y a aussi d'autres victimes qui ont été tuées dans des meurtres qui ont été faits par des chrétiens, par des juifs, par des athées, hein, par des laïcs. Il y a des laïcs qui tuent, il y a des laïcs qui violent, il y a des laïcs qui volent, il y a des laïcs qui mentent, il y a des laïcs qui font toutes sortes de crimes. Hein? Et on ne va pas aller leur demander qu'ils soient signalés aussitôt qu'on sait qu'ils deviennent laïcs. Et certains vont dire, ouais, mais là, c'est pas pareil parce qu'il y a la mouvance islamiste et ainsi de suite et des choses comme ça. Et yani, dans tous les groupes d'êtres humains, il y a des extrémistes aussi. Et le terrorisme, c'est pas spécifique à des groupes musulmans ou à des musulmans. Il y en a dans tous les groupes. De toutes les sociétés et dans différentes religions, il y en a aussi. Des attentats faits par des juifs, il y en a eu. Des attentats faits par des chrétiens, il y en a eu. Hein? Des attentats faits par, même à certaines époques, même, c'était le pape même qui ordonnait ces attentats-là, hein? Et ces attaques-là, et même des génocides qui ont été faits, yani, de la part de l'Église catholique. Certains peuples ont été exterminés. Donc tout ça pour dire, yani, il faut pas essayer de déformer les réalités et de faire en sorte que les gens soient accusés du fait qu'ils se convertissent à l'islam. S'il y en a qui sont parmi les musulmans extrémistes ou qui ont déformé la réalité de l'islam pour essayer de justifier des actes de terrorisme ou de violence, et que ces gens-là veulent passer à l'action, et qu'on les arrête, ça c'est tout à fait normal, il faut, hein, arrêter ces gens-là, mais de là à accuser tous les musulmans, puis à traiter toute manifestation ou tout signe de l'islam comme étant une menace pour la société, ça c'est tout à fait injuste, et c'est vraiment de la persécution, hein, c'est de l'acharnement et de la persécution psychologique, hein, contre les musulmans. Et je pense que il faut que ça cesse parce que ça, c'est du harcèlement psychologique. Et c'est les médias qui le font. Et c'est les gouvernements, en particulier en France, qui martèlent constamment, jour après jour, les musulmans pour les faire se sentir toujours coupables et toujours comme s'ils sont en train de faire quelque chose de pas correct en étant musulmans. Et ça, il faut que ça cesse parce que c'est quelque chose. Un jour, les gens vont regarder l'histoire. Peut-être, je ne sais pas dans combien de temps, mais tôt ou tard, il y a quelque chose qui va arriver. Puis les gens vont réaliser que tout ce qui s'est passé, hein, à notre époque, tout ce qui a été fait contre les musulmans, ça a été une très, très grande injustice. Hein. Et tôt ou tard, il faut que ça change. Naam. Donc tout ça pour revenir au point important, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des awliya, des serviteurs qui sont rapprochés de lui, et ceux-là ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus connus, les plus aimés, les plus respectés, les plus en vue. Ça peut être des gens très modestes. Ça se peut que, comme dans un autre hadith qui mentionne ce sujet-là, il dit, peut-être que s'ils vont frapper à la porte de quelqu'un, on ne va pas le laisser rentrer. S'il vient pour demander la main d'une femme, on ne va pas lui donner. S'il... Yani, hein? Tout ça pour dire que le cheikh, il dit, malgré tout ça, on ne doit pas se moquer du croyant. Et le croyant, peu importe sa situation économique ou son apparence physique, il est noble, hein, pour Allah. Et il a son importance et son respect. Et il est sacré pour Allah. Et donc, il ne faut pas le dénigrer. Et non plus, il ne faut pas se moquer de lui. Yani, si les koufars, ils se moquent, hein, ça, c'est pas quelque chose qui est étonnant. Parce qu'ils sont des ennemis de la foi. Ils sont ennemis des prophètes. Ils sont ennemis d'Allah. Et donc, ils détestent la foi, ils détestent les croyants, ils détestent les messagers. Et donc, ils vont essayer de dénigrer, comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient essayé de le dénigrer, de l'insulter, de le traiter par toutes sortes de noms, hein, pour le rabaisser. Mais ça, c'est normal, puisque ce ne sont pas des croyants, ce sont des koufars, hein. Et aujourd'hui, s'ils font des caricatures, hein, ils font des caricatures pour essayer de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que peu importe le dessin qu'ils dessinent là, ou l'image qu'ils dessinent, et qu'ils essaient de faire croire ou de montrer que ça représente notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on sait très bien que cette image-là ne représente pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous les musulmans, on ne fait jamais de dessin. On ne fait jamais d'image de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que de dessiner et de faire des représentations humaines, déjà ça c'est interdit en islam. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wasallam, il a même maudit les gens qui font des dessins et des représentations et des images. Et il a dit, la'ana, hein? La'ana Allah al-musawwirin, que soit maudit ceux qui font des images et des représentations et des dessins. Et ceux qui font des images des êtres humains, hein, ou de leurs prophètes, ou de leurs hommes pieux, et qui les adorent en dehors d'Allah, ça c'est les chrétiens. Hein, les juifs aussi, ils font des photos de leurs rabbins ou de leurs, hein, de leurs hommes pieux ou des choses comme ça. Ils mettent ça sur leurs murs. La même chose, on trouve ça chez les chiites. Ils font des photos, des images de Ali, hein, de Hassan ou Hussein. Ils vendent ça dans leur marché. Et les gens, ils accrochent ça dans leur maison, ils mettent ça sur le mur. Nous, les musulmans, Ahl Sunnah, on ne fait pas ça. On n'accroche pas des images dans nos mosquées. Ni du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba. On ne fait pas non plus des images ou des dessins ou de représentations. Si tu rentres dans la mosquée, dans toutes les mosquées du monde, tu ne vas pas trouver une mosquée avec une photo dedans ou une image d'un prophète ou d'un messager ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien d'un sahabi ou des choses comme ça. Les musulmans, ils ne font pas ça. On ne fait aucune représentation. Justement pour éviter que des gens se permettent ou essaient justement de les dénigrer. Hein? Parce que ça, c'est déjà... Hein, un grave crime. Et ce n'est pas seulement interdit pour un musulman de dénigrer un prophète comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, mais tous les prophètes, pour nous les musulmans, c'est considéré comme un sacrilège et un blasphème d'essayer de se moquer d'eux ou de les dénigrer ou de les insulter. Donc même si quelqu'un parmi les gens, parmi les hommes, essaie de dénigrer le prophète Isa alayhi salam ou le prophète Moussa alayhi salam, eh bien pour nous c'est considéré comme, hein, un blasphème, un dénigrement, et ça c'est interdit. Et même Et même une fois, je me rappelle, j'étais en train de discuter avec un juif. Et il a commencé à se moquer de Moussa alayhi salam. Et il a commencé à insulter et dénigrer le prophète Moussa alayhi salam. Et moi, je lui ai dit, t'as pas le droit d'insulter les prophètes d'Allah. Et il m'a dit, mais j'ai le droit, c'est mon prophète. Hein? Il a dit, j'ai le droit, c'est mon prophète. J'ai dit, c'est notre prophète à nous les musulmans avant vous, parce que yani, on mérite plus hein, de le suivre que vous, parce que vous dites que vous croyez en lui et vous le dénigrez comme ça. Donc ça veut dire vous n'êtes pas vraiment hein, des gens qui avaient du respect et vous suivez pas vraiment hein, ce prophète-là. Et en réalité, vous avez contredit ses enseignements de différentes façons et de différentes raisons, justement, parce que vous avez refusé de croire aux autres messagers qui ont été annoncés, justement, dans le livre que Moussa vous a donné. Donc, si vous étiez vraiment des croyants, vous auriez cru aux autres messagers en passant par Isa et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça pour dire que, pour nous, les musulmans, les prophètes, ce sont des envoyés d'Allah et c'est une chose très très importante pour nous et personne n'a le droit de les dénigrer ou de les insulter. Et il y a même dans l'islam la peine de mort pour quelqu'un qui se permet de moquer ou de dénigrer un prophète. Mais, bien entendu, ça ne veut pas dire que un musulman a le droit de tuer ou de faire des attentats terroristes contre des gens, même s'ils vont insulter ou dénigrer les prophètes. S'il doit y avoir l'application d'une peine, ça doit être fait, bien entendu, par les dirigeants de l'État et non pas par des individus dans la rue ou des choses comme ça. À la kulli hal, tout ça, c'est pour clarifier hein, le verdict à ce sujet-là. Et ensuite, le cheikh, il a mentionné al-huz'u. Il dit al-huz'u was-sukhriya bima'nan wahid. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun. Wa qala ta'ala waylun likulli humazatin lumaza alladhi yahmizu wa yalmizu an-nas wa yatanaqqasuhum bighayri haqq mutawa'adun waylun lahu. فهذه صفات ذميمة حذر منها الشرع يجب أن يرتفع عنها المسلم. Donc le cheikh il dit al-huz'u hein, c'est la même chose que al-sukhriya, c'est la même signification. Et il cite le verset 29 et 30 dans sourate al-mutaffifin dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui étaient criminels, ceux qui avaient fait des crimes, c'est-à-dire les mécréants, ils se moquaient des croyants. Et quand ils passaient près des croyants, ils faisaient des œillades entre eux, en voulant dire, regarde ces gens-là, hein, ils se moquaient d'eux. Donc des fois, les moqueries, ça peut être par des paroles, et ça peut être aussi par des actions, par des gestes. Et il dit dans l'autre verset, « Wailul likulli humazatin lumaza » Il y a des malheurs à tout calomniateur, et toute personne qui... il fait des sobriquets, il se moque des gens. Donc, Allah les a menacés hein, de malheur, ces gens-là. Donc, ça veut dire que ceux qui se permettent de dénigrer les gens et de se moquer d'eux injustement, il les a menacés. Et parce que de se moquer de cette façon, ça fait partie des caractéristiques blâmables. Et la charia nous a avertis contre ça, et c'est obligatoire pour le musulman de s'élever au-dessus de ce genre de comportement et de ne pas agir de cette façon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.